PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou? Je suis Mélissa Suarez El Real et je suis très contente de pouvoir vous accueillir de nouveau dans cette émission. Cette semaine, dans l'actualité pokajoutienne, des nouvelles très très importantes. Après plusieurs années de bon d'être vivant, la célèbre loi Spritz a finalement été abolie par des raisons humanitaires. L'histoire de cette loi a été, depuis les débuts, liée inséparablement au développement de la société pokajoutienne. Et même si aujourd'hui elle n'existait plus, c'est vrai qu'au moment où elle a été conçue, elle s'est révélée comme un mécanisme très très intéressant. Mais il s'agissait de quoi dans cette loi? Bon, aujourd'hui on va le découvrir en écoutant de la musique. On va commencer par un morceau qui, comme tout le reste des chansons qu'on va entendre aujourd'hui, n'aurait jamais pu être créé sans l'existence de la loi Spritz. Voici Negra Culengue de Abelardo Carbono. ¿Qué le pasa a la negra Culengue? Ella no se quiere ni mover. Pendant l'âge d'or de l'immigration à Pokajou, au début du XXe siècle plutôt, le ministère du Travail, qui à cette époque-là gérait les passeports donnés aux nouveaux arrivants, s'est rendu compte que les travailleurs formaient des communautés très fermées avec bien sûr leurs compatriotes. Et évidemment, cela n'a plu à personne au gouvernement parce que le but était de créer une société plus mélangée, plus métisse. Et bien sûr que les natifs pocajoutiens trouvent des couples dehors de leur village. Alors, c'était Geronimo Spritz, un jeune conseiller du Maharaja. C'était lui qui a eu l'idée d'abord de faire venir des hommes et des femmes des régions différentes. C'était une mesure complètement inédite, mais le Maharaja a décidé de la prendre temporairement. Mais, année après année, le ministère du Travail a renouvelé cette loi. Et pendant presque 3 décennies, les femmes étaient embauchées plutôt en Afrique du Sud et de l'Est, et les hommes venaient normalement de l'Amérique latine. Il y avait d'autres régions où on embauchait, mais l'immigration latino-américaine et africaine ont été très très importants et un grand nombre de foyers se sont constitués avec un père latino-américain et une mère africaine. C'est pour ça qu'il n'est pas surprenant de trouver parmi la musique créée à Pocajou dans les années 60 et 70 un mélange très très particulier entre la musique africaine et la musique latino-américaine. Abelardo Carbono, celui qu'on vient d'écouter, est un bon exemple de ce métissage. En fait, il s'agit d'une musique qu'on peut pas, on sait pas classer, franchement, mais même sans le vouloir, cette chanson sonne africaine, même si les musiciens étaient d'origine colombienne. On va continuer avec un morceau qui a peut-être les mêmes attributs que la chanson de Monsieur Carbono, mais un peu à l'inverse. Voici Maître Gazonga avec les jaloux saboteurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller? Bien sûr. Ok, d'accord. Bien sûr. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qui ignore mais tu es tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, souhaitent ma misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Yaoundé, j'ai trop chez toi, de retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Aha. Écoutez ça. Mama, yeah. a rencontré pas mal de musiciens de différentes origines. Et bien sûr, il a bientôt appris que le merengue, la musique de l'Afrique et de l'Est, était très très liée. En fait, même le mot merengue, selon quelques experts, c'est un mot africain et la forme originale, c'était muserengue. Maître Gazanga, en fait, pensait que la musique était pareille et partout dans le monde, que tout sonnait comme le merengue, jusqu'à ce qu'il ait déménagé dans les quartiers chinois de Jukapo, pardon, et il apprit que, en fait, les liens entre la République dominicaine et le Tchad étaient très très particuliers et que ça se répétait pas partout. Il a quand même continué à apprendre sa musique aux jeunes étudiants, parmi lesquels il y avait plusieurs d'origine dominicaine. Mais bien sûr, il a eu aussi une influence de l'Amérique latine à la musique africaine de Pocajo. Le grand succès que la salsa a connu en Afrique à partir des années 40 et 50 est dans une bonne partie grâce à l'échange culturel que les nouveaux arrivants à Pocajo expérimentaient. Plusieurs femmes africaines ont envoyé chez ces familles des disques de salsa que leurs nouveaux amis leur montraient. C'est comme ça qu'un grand public de la salsa est né. Le groupe sénégalais Africando est l'un des produits de cet échange que, à partir de cette semaine, va continuer, mais bien sûr d'une façon très très différente. La loi Spritz est de nos jours considérée comme inégalitaire et d'ailleurs le problème des ghettos n'existe plus dans ce moment à Pocajo. Alors, elle est devenue nécessaire et vieille, mais il est intéressant de savoir comment elle marchait quand même. On va vous laisser avec Doni Doni du groupe sénégalais Africando. Je suis Melissa Suarez del Real, je vous remercie de nous avoir accompagnés. À bientôt. Jamais trop tard. Ils ont fait les États-Unis, ils ont fait l'Europe aussi. Oh oui, ils nous sont nous. Petit à petit, l'Afrique se fera. Petit à petit, l'Afrique se fera. Doni doni kononinda nyala. Doni doni kononinda nyala. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a eu la dictature, les partis uniques aussi. Aujourd'hui, multipartisme, oh oui, unis sommes-nous. La démocratie, petit à petit. La démocratie, la démocratie, petit à petit. La démocratie, la démocratie. Yapel ki aduna, bonkala duna bimom, bonkala duna bimom. Amul gen kufide, amul gen kufide. Radio Pocajo International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine.